se jetant à genoux devant le Seigneur. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui regarde. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu sait. Mwema, ni Mungu peke yake. Tu connais le commandement? Ne commettez point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui regarde. Il dit, maître, j'ai observé ces choses depuis ma petitesse. Jésus le regarde. Et la Bible dit, la Bible nasema, il l'aima. Donc il n'avait pas trompé. Amen. Amen. Il l'aima. Mon frère. Yangu, ma soeur. Dada yangu. Aujourd'hui, Léo, c'est ton tour. Ni turi yaku na wakati yaku na wewe. C'est mon tour. Nani wakati yangu kwangu na mie. Et si Jésus vient na kama Yesu akikuja, maintenant, hapa sasa. Jésus a dit, alisema, là où deux ou trois se rassemblent à mon mahali, nom, wawili, watatu, wala kusanyika mjina langu, je suis au milieu de katikati yao. Et Jésus-Christ est avec na nous. Yesu, pamoja nasi. Car il est écrit, imeandikwa, Dieu est dans sa parole. Mungu kondani aneno lake. Et il a dit, na alisema, je m'en vais, ninaenda, je reviendrai, je serai avec nitakuwa vous, pamoja na mwe, et même dans vous. Na hata ndani mwenu. Maintenant voyez, sasa tu mwone, si Jésus se tient, kama Yesu amesimama hapa, il te regarde, anakutazama, il me regarde, anatazama mie. Quelle sera la suite? Mambo itakuwa je? Si Jésus te regarde, kama akikutazama, parce qu'il te regarde maintenant, la Bible dit, Biblia nasema, dans Proverbe chapitre 15, verset 3, Mumezali sura 15, les 3, yeux de l'Éternel sont partout, macho amilele kwa fazi yote, regardant le mauvais et le bon. Mukutazama, wenye kwa wazuri, donc Dieu te regarde nasema, Mungu unakutazama, maintenant. Sasa, est-ce que tu es agréable devant Dieu? Et tu kumpendeza Mungu? Amen. Amen. Amen. Amen. Frère Bana me dit, Dubrama sema, chacun de nous doit avoir un bon témoignage. Kila mmoja wetu anapaswa kuwa na ushuhuda mzuri. Et soyez saints dans toute votre conduite. Na mpate kuwa watakatifu katika mwenendo wenu yote. Nous chantons. Tunaimba. À chaque instant de chaque jour. Kila conduis-moi, Seigneur. Donc à chaque instant. Nous sema kila muda, un chrétien doit être saint. Mukritu anapasha kwa mtakatifu. Amen. Amen. Afin que tu sois agréable devant Dieu. Upate kwa kumpendeza Mungu. Jésus lui regarde. Yesu akamtazama. Il l'a aimé. Akampenda. Et il lui dit. Nakamonesha. Il te manque une chose. Unakosewa kitu moja. Va, wende, vend tout ce que tu as là. Donnez-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Na hazina mumbingu. Puis, kisha, reviens rudia, et suis-moi. Na unifate. C'est là où le jeune homme a échoué. Jo pale kijana likosa, alibishindwa. C'est là où le jeune homme a échoué. Jo pale kijana alishindwa. Puis, reviens kisha rudia, et suis-moi. Na unifate. Jésus a dit, Yesu alisema, que chacun prenne sa croix. Kila mmoja achukue msalaba yake. Et me suive. Na anifate. Amen. Amen. La Bible dit, Biblia nasema, le jeune homme est rentré tout triste. Kijana ule mwanaume alirudia wa huzuni sana. Pourquoi? Juu ya nini? Quand il a regardé, wakati alangalia, il a regardé Pierre, alangalia Petro, il a regardé de Matthieu, alangalia Matayo. Qui suivait Jésus? Chaque jour. Kila siku, partout. Fazi yote, devient papa. Wakubwa waze, comme de Pierre. Sawa Petro, il suivait un jeune homme. Le Seigneur Bwana Yesu. Pierre avait compris. Petro, alelewaka. C'est lui qui a la vie. Kama ye, c'est lui zima, qui a la vérité. Ye, jona ukweli. Alléluia. Amen. Maintenant regardez. Sasa tazameni. Le jeune homme. Ule kijana, il avait besoin de la vie éternelle. Ule lazima, na uzima milele. Maintenant. Sasa, quand Jésus était là. Wakati Yesu alikuwa pale, la vie éternelle était là. Uzima milele ilikuwa pale. L'enlèvement était là. Kulikuwa pale. Le feste de noces était makaramu là. Kondo kulikuwa pale. Le millénium était miaka là. Elfu kulikuwa pale. L'éternité. l'éternité était là. Il quoi parler devant lui. Beleyake. Frère. Duku. Il est rentré akarugia, triste. D'ici. Frère. Que ça ne soit pas ainsi pour toi. Duku. Je pas te quoi vivre quoi quoi. Ne commettez pas cette erreur. Tende, il est rentré tout triste. Alléluia. Alléluia. Sana. Amen. Écoutez, mes frères. Quand Jésus était là, tout celui qui est venu devant Jésus, le malade était guéri. Mugonjo, alléluia, wakutunzwa. Les boiteux ont marché. Les aveugles ont vu. Les morts ressuscités. Ceux qui avaient faim, ils ont mangé. Mais maintenant, lui, il est rentré triste. Frère, c'est le rêve. Même pas le rêve, c'est la faute. La plus grave que ce jeune homme a commis. Que ça ne soit pas ainsi pour toi. Que ça ne soit pas ainsi pour toi, mon frère. Jésus est là. Quand vous voyez Jésus, la Bible dit, il remplit tout en tout. Il possède tout. Tout ce qui est dans le ciel, si tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Amen. Maintenant, sasa, lui rend triste. Yeye anarudia wa uzuni. Alors, sasa, lui voyait son argent. Yeye anaanza kuona franga yake. Lui voyait son bien. Anaanza kuona mali yake. Il fait vraiment dire, lui donner l'importance à ses associés. Anaanza kuweka mafaji kubali anaanza kutumika nabo mkazi. En fin de compte, mwisho ya yote, il est allé pleurer au séjour des morts. Alienda kulia mahali ya wafu. Alléluia. Amen. Il est allé pleurer au séjour des morts. Kuliaka, sasa, mahali ya wafu. Pourquoi? La chose qui lui manquait. Kile kitu kilimkosewa. Qu'il cherchait. Kile anaanza kutafuta. Il l'avait raté. Alikosa ukipata. Et pourtant elle était devant lui. Japo kile kitu kilikuwa mbele yake. Et il a vu les pierres, les gens qui suivaient Jésus. Na aliona wa Petro, Mateo walikuwa wanafuata Yesu. Mathieu a abandonné le péage. Benani Petro aracha kuloba. Mathieu a abandonné le péage. Mathieu aracha kulipisha kalata. Il touchait l'argent chaque jour. Kila siku alikuwa anapata franga. Mais il a laissé. Lakini alacha leo. Maintenant lui, il a donné l'importance à son argent. Aliweka mafaya yake kumfranga. À ses biens. Kumali yake. En fin de compte, mwisho ya yote, il est allé pleurer au séjour des morts. Alienda kulia mahali ya wafu. Frère Branham dit, Sema, dans la prédication, Mumaubiri, viens et suis-moi. Le jour du jugement, hukumu, ces paroles qu'il a entendues du Seigneur, ile maneno alizikia mkinywa cha Bwana, viens et suis-moi. Ya kusema kuja na unifate, ça va le rencontrer devant. Itakuwa mbele yake sasa. Le jour du jugement, siku ya hukumu, atatanishanaka nayo. Pas d'excuses. C'est la même chose pour nous. Tout ce que nous écoutons, tout ce que nous lisons, les paroles qui sortent, ça ne meurt pas. Au jour du jugement, ça reviendra et tu seras devant un fait accompli. C'est pourquoi ne commettez pas cette faute. Ne courez pas le risque de manquer la vie éternelle. D'abandonner Jésus. Alléluia. Amen. Nous lisons les prophètes. Nous lisons les prophètes. Et la prédication, Maubiri, être conduit, kuya mwenye kongozwa, être conduit du 7 12 mois 65, kuya mwenye kongoza ya le 7 décembre 1967, paragraphe 107, nukta miyamo na saba. Ce jeune homme, ukiana mwanaume, il était aussi religieux qu'on peut l'être, alikuwa kwa wakidini, paka vile wakidini anaweza kuwa, parce que à Jésus qu'il est questionné, kwa Yesu anza kumuliza, il a dit, alimonesha, j'ai observé ce commandement depuis ma jeunesse. Nilitumikia hii maamri tangia butoto yangu. C'est vrai. Ni bia kweli. Parce que Jésus l'a aimé. Yesu alimpenda. Vous voyez? Unaona? Il avait été élevé, il avait été bien élevé. Aliadibishwa mzuri. Bien enseigné. Alifundishwa mzuri. Malgré cela. Aizuru ile yote. Quand il est allé, quand il était à la confrontation de l'idée de la vie éternelle. Wakati alikuwa sa mapatano na ile uwazo ya uzima milele. Où il a échoué. Maintenant, écoutez. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Malgré toutes ses qualités, Frère Baname dit, il avait beaucoup de bons côtés. Ah, il avait quand même beaucoup de bonnes choses. Malgré toutes ses caractéristiques. Mais néanmoins, il n'avait pas la vie éternelle. Amen. Amen. Amen. Amen. Il dit encore, dans la prédication, Paul, prisonnier de Christ. Maubiri Paulo, mufunga wa Kristo. Paragraphe 39. Ne jugez jamais votre vie par la puissance que vous avez d'accomplir les miracles. Apana kuamua wala kuona maisha yako kupitia kufuatana na uwezo uliko nayo ya kutimiza miujiza. Non. Apana. Et ne nous jugeons pas nous-mêmes. Na tusijukumu sisi wenyewe. Par le degré de connaissance que nous avons. Kupitia kimo ya ufahamu ile tuko nayo. Donc avec la connaissance. Na ufahamu. Le degré de connaissance. Le verset biblique. Les citations. La connaissance. Ufamu. Cela ne montre pas qu'il y a la vie éternelle. Mais. Lakini. Jugez-vous toujours. Regardez en arrière. Depuis que vous avez crié. Et faites un inventaire. Na upate kufanya uchunguzi. Du genre de fruits que porte votre vie. Ya aina ya matunda ile maisha yako iko natoa. Maintenant. Hapa sasa. Alléluia. Amen. Ah, faites un inventaire. Ufanye uchunguzi. Depuis que vous avez crié. Tangia uliamini. Du genre de fruits. Ya aina ya matunda. Que porte votre vie. Ile maisha yako kunonesha. Alléluia. Amen. Depuis que vous avez crié jusqu'aujourd'hui. Tangia uliamini kufika hata siku ya leo. Amen. Amen. Faites l'inventaire. Ufanye uchunguzi. C'est là où vous allez voir. Dopa utaonea. Que vous avez la vie éternelle. Kama uko na uzima milele. Ou pas. Wala hapana. Alléluia. Amen. Dans 2 Corinthiens chapitre 13. Mu wa Korinto wa pili sura 13. 2 Corinthiens 13. Wa Korinto wa pili sura 13. Verset 5. Mustari ya 5. Examinez-vous. Mujichunguze. Vous-même. Wewe mwenyewe. Pour savoir. Jua kujua. Si vous êtes dans la foi. Kama mko katika imani. Éprouvez-vous vous-même. Mujipime nyinyi wenyewe. Ne reconnaissez-vous pas. Amtambue ya kwamba. Que Jésus-Christ est en vous. Ya kwamba Yesu Kristo ko ndani mwenu. À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Isipokuwa tu kama mko benye kukataliwa. Amen. Amen. Examinez-vous. Mujichunguze wewe mwenyewe. Pour savoir. Jua kujua. Si Jésus-Christ est en vous. Kama Yesu Kristo eko. Bien aimé frères et sœurs, ndugu na dada, le christianisme, Christu, c'est pas quelque chose d'hasard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le christianisme, Christu, c'est pas comme dans les dénominations. Aina sa mazebu. Chez nous là-bas, si vous allez dans les dénominations, mazebu, vous allez voir surtout chez les baptistes. Baptiste. Ah. Ils ont les femmes portent des mouchoirs de tête. On a écrit là-bas. Mu Christo azali mwinda. Mu Christo ni nuru. Et ça ne peut pas manquer. Les hommes, banaume, ils donnent, l'église va donner une commande spéciale à l'usine. On fait des bagnes, on met un dessin là-bas. Ah, le chrétien, c'est une lumière. Le Christ, ni nuru. Effectivement, c'est vrai. La Bible dit nous sommes la lumière. Ni nuru. Mais le christianisme, ce n'est pas une mouchoir de tête. Kitambala. Amen. Amen. Le christianisme, c'est pas une bouboula. Aina bouboula chambala pana. Le christianisme, Christu, c'est une expérience. Ni onjo. Que nous recevons à partir du baptême du Saint-Esprit. Tunapata kupitia ubatizo wa Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen.

Amen. Amen. Ce message a deux sens. Suivez très bien, mes bien-aimés. C'est pas seulement qu'il dit, j'écris le message, je prie à l'assemblée. Tout ça, c'est bien. Mais il faut avoir la vie de la parole. Ne parlez pas seulement de la vérité, mais vivez la vérité. Parce qu'il est écrit, la vérité vous affranchira. Et la vérité conduit à la vie éternelle. Amen. Amen. Ce message a des voix. Amen. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit, mes voix ne sont pas vos voix. Et frère Branham a dit, les voix que vous suivez, le jour du jugement, si quoi, okumu, Dieu Mungu, vous rendra compte de ses voix. Amen. Amen. Amen. Ce message a une vision. Iko na onyo yayo. Quand nous marchons, partout où nous sommes, tutuku, au service, kukazi, à l'école, kumasomo, au marché, usoko, en voyage, usafari, nous avons une vision. Tuku na namna yetu kuona. Nous voyons l'éternité. Tukunaona milele. Nous voyons les millénaires. Tukunaona miaka elfu. Nous voyons. Tukunaona. Qu'est-ce qui est du ciel? Paka bya kumbingu. C'est pourquoi on ne peut pas se donner à tout ce qui est de ce monde. Kujingisha mubitu byote bya dunia. Tu peux venir avec quoi que ce soit. Unawezi kwa azuru na nini? Notre vision est basée sur ce qui est d'en haut. Amen. Amen. Jésus a dit, n'aimez pas le monde et tout ce qui est du monde. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Alléluia. Amen. Ce message a une conduite. C'est pourquoi, quand vous venez ici, tu ne dois pas te conduire n'importe comment. Écoutez mes frères, écoutez mes sœurs. Ici, nous avons une conduite. Les chrétiens ont une conduite. Amen. Amen. Frère Manam a dit, les oiseaux de même couleur ont leurs choses en commun. Si nous prenons les pêcheurs de poissons, ils ont leurs choses en commun. Quand ils rencontrent entre eux, ils parlent de ce qui est de la pêche. Ils parlent des genres de poissons. C'est comme ça. Et les commerçants, ils ont aussi leurs choses en commun entre eux, les commerçants. Et les chrétiens, nous avons des choses en commun. Amen. Amen. C'est comme ça, frère. Donc, mon frère, ma sœur, examine-toi pour voir si tu es dans la foi. Comment? Parce que Jésus est avec nous. Ah, Dieu marche avec son peuple. Amen. Amen. Amen. Amen. Il te manque une chose. Kitu moja. Ah, on t'observe. Nous lisons encore les prophètes. Tena nabi. Nous prenons la prédication, l'influence. Beba maubiri, uvuto. Du 12 janvier 1963. Il y a le 12 janvier 1963. Paragraphe 13. Nukta l'influence du 12 janvier maubiri, 1963. Uvuto, il y a le 12 janvier 1963. Vous savez, munajua, il y a tant de personnes parmi nous. Kuku batu ba mingi katikati yetu. Et la plupart d'entre nous, na wengi katikati yetu, nous influençons quelqu'un. Tukunavuta mutu moja. Parce que nous faisons. Suivez très bien. Nous influençons quelqu'un. Parce que nous faisons. Par la manière dont nous vivons. Et par tout ce que nous disons. Nous influençons quelqu'un. Nous observe. Quelqu'un observe votre vie. Amen. Amen. Par partout où nous sommes. Et surtout nous. Chez nous là-bas. Quand un frère ou une sœur fait quelque chose. On a toujours dit. Même vous aussi qui priez. Même vous aussi. Donc quelqu'un d'autre peut faire du mal. Mais quand un frère ou une sœur fait que. C'est le tambour battant. Pourquoi? On nous observe. On nous observe. Là chez nous, quand vous arrivez, si vous voulez détecter, demander les renseignements pour qu'on puisse vous montrer là où se trouve l'assemblée, il faut dire là où on prêche la vérité. Donc, et ils nous ont donné ce nom-là, les gens de la vérité. Nous avons dit oui, parce que nous avons la vérité. Nous avons la vérité. Et la vérité, c'est une vie. Amen. Amen. Et les gens na bantu, nous observent. Beko. Et puis, Nakisha, quand nous confessons que nous sommes des chrétiens, wakati tunakiri, akusema tukuba Christu, quel genre de vie devions-nous mener? Ni aina gani ya maisha tulipasha kuishi? Si quelqu'un nous observe, kama muntu akituangaria. Amen. Amen. Et la vie que vous menez maisha, naishi, exerce une influence moja, sur quelqu'un. Amen. Amen. Dans sa destinée éternelle pourrait résister sur votre façon de vivre. Ule, mwisho yake, maisha yake yote, inezi kulinganishwa sasa na maisha yako naishi. Ah, c'est-à-dire que ni kusema à hivi, partir de votre façon de vivre, kupitia tu namna kwa kuishi, tu peux amener quelqu'un à Christ. Unaweza kupeleka mtu kwa Kristo. Amen. Amen. Amen. Amen. Donc c'est comme ça. Ni kusema ndio vile. Donc le christianisme, tu ne dois pas seulement rester là. Unaweza kubakia tu pale. Oh, as if. Uwa kuwayawaya tu bila msimamo, hapana. Tu dois bouger. On doit sentir réellement que ça c'est un chrétien. Amen. Amen. Il te manque une chose. Il te manque une chose. Donc le christianisme c'est une vie. Nous sommes Christ, nous sommes vie. Amen. Amen. C'est pourquoi on ne doit pas vivre n'importe comment. Atuwezi kuishi namna yoyote. C'est pourquoi quand on est devant les gens. Zaidi wakati tuko mbele ya watu. C'est pourquoi un chrétien doit rester. Doit être saint dans toute sa conduite. Comme la Bible le dit, partout où vous êtes, soyez un chrétien. C'est ce que le prophète dit. Un chrétien où qu'il soit, il est toujours un chrétien. C'est pas que ici on te connaît que tu es sœur à Christ, frère à Christ, mais quand tu vas au coin là-bas dans les fers forts, ah, ici il n'y a même pas le message. Il n'y a pas de frère. Hakuna banduku, et de sœur. Tu commences à mener une vie désolée. Non! Dieu n'a pas de demi-chrétiens. Mungu ana ba Kristo wa kipande. Dieu a des chrétiens. Mungu ana ba Kristo. Des combattants. Qui combat partout. Bon, combat na fazi yote. Amen. Amen. À l'école. Masomo. Tu es chrétien. Uko Mkristo. Au service. Mukazi. Tu es chrétien. Uko Mkristo. Au marché, tu es chrétien. Uko Mkristo. En voyage. Musafari. Tu es chrétien. Uko Mkristo. Dans la maison. Mnyumba. Tu es chrétien. Uko Mkristo. Et ici à l'église. Na uko mkanisa. Please. Uko Mkristo zaidi. Tu es chrétien tout fait. Mkristo akweneana. Alléluia. Amen. C'est ça le christianisme. Jo Mkristo. C'est pourquoi mana, mon frère, yangu, ma sœur, dada yangu, on t'observe. Beko na kuangarishisha. On te regarde. Beko na kutazama. Si Jésus. Kama Yesu. Pourrait être là maintenant. Aliwezi kuyapa sasa. En te regardant. Mungu kutazama. Devinez la suite. Oui, mnye, sema mambo vile. Qu'est-ce que dira? Ah, il dira toujours. Atasema paka, il te manque une chose. Unakosewa kitu moja, si tu ne vis pas la parole kama de Dieu. Wea, uishi neno la Mungu. Ne vous trompez pas, frère. Ma sœur, dada, il y a les enfants de Dieu qui mettent la parole de Dieu en pratique. Wenye kutumikia neno la Mungu. L'enlèvement est proche. Tunyuliwa ni kula kwa karibu. Fini les distractions. Fini les aventures. Ne soyez pas distraits. Il n'y a plus de temps. Au moment où nous

quelle manière Dieu est dans son église. Namna gani Mungu yuko ndani ya kanisa yake. Alléluia. Amen. Suivez très bien. Mufuate, ne soyez pas distrait. Vous saurez mutajuaka de quelle manière namna gani Dieu est dans son Mungu église. Yuko ndani ya kanisa yake. Vous croyez que Dieu est dans son église? Unaamini kwamba Mungu yuko ndani ya kanisa hii? Amen. Amen. Moi aussi, je dis amen. Na mimi nasema amina. Écoutez-nous. L'église est maintenant censée prendre la place du Seigneur Jésus-Christ. Kanisa sasa inaitwa kubeba fazi ya Bwana Yesu Kristo. Je reprends encore. Mina rudiria po tena. L'église kanisa est maintenant hapa sasa iko censée prendre inaitwa kubeba la place du Seigneur Jésus-Christ. Fazi ya Bwana Yesu Kristo. On n'a pas dit aba kuseme les pasteurs wa pastori les diacres wa shemashi. On sans se prendre la place de Christ. No! C'est clair ici. Wazi. On dit wanasema, l'église est censée prendre kubeba la place fazi du Seigneur Jésus-Christ. Ya Bwana Yesu Christo. Amen. Amen. Écoutez, Muskilize. Pourquoi Dieu a nini? Pour continuer son ministère. Dieu a kuendelea na huduma yake. Amen. Amen. Amen. Amen. Pourquoi? Dieu a nini? Pour continuer son ministère. Donc qui que tu sois, chaque nani, frère, chaque kila ndugu, kila dada, la Bible dit. Biblia nasema, c'est Jésus qui a dit. Yesu Christo alisema, Jean chapitre 14. Yohana 14. Verset 12. Mstari 12. Les œuvres que je fais, matendo inyeri unafanya, vous les ferez aussi. Mutaifanyaka vile vile. Amen. Amen. Les œuvres que je fais, matendo inyeri unafanya, vous les ferez aussi. Mutaifanyaka vile vile. D'ailleurs, il dit ici. Japo anasema hapa. Encore un peu de temps. Unabaki muda kidogo. Et le monde ne me verra pas. Na dunia itaniona tena. Cependant, vous me verrez. Japo mwe mutaniona. Car je serai avec vous. Nitakuwa pamoja na mwe. Et même dans vous. Na hata ndani yenu. Jusqu'à la fin du monde. Hadi mwisho wa dunia. C'est cela. Jésus-Christ continua son œuvre. Itakuwa ni Yesu Kristo mkuendelesha kazi yake. Eh bien. Hivi basi. La Bible dit. Biblia nasema. C'est Étienne qui a parlé de Salomon. Étienne Salomon. Salomon qui a construit un temple. Salomon la lijenga ikalu. Et les trois, on n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Car le ciel est mon trône. Kwa ni mbingu, ni enzi yangu. Et la terre est mon marchepied. Et où se trouve le lieu de mon repos. Na ni wapi kuna patikana wa mahali mapumziko yangu. Akuna. Mais lakini, la Bible dit Biblia nasema, qui m'a formé un corps. Ulinitungia mwili moja, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Ni mwili ya Bwana Yesu Kristo. Qui m'a formé un corps. Ulinitungia mwili moja. Amen. Amen. Qui m'a formé un corps. Ulinitungia mwili moja. Dieu habite dans la stature d'un homme. Mungu anaishi ndani ya mutu. Se reflétant dans un être humain. Mukijonekanisha ndani ya mutu. Une adoration parfaite. Maabudu kamilifu. Amen. Amen. Une adoration parfaite. Maabudu kamilifu. Jésus a dit, Yesu alisema, c'est lui qui écoute ma parole. Mwenye anasikia neno langu. Et le met en pratique. Na anaitumikia. Moi et le Père. Mie na baba. Nous viendrons à lui. Tutakuya kwake. Et nous ferons notre demeure à lui. Na tutafanya makao yetu ndani yake. C'est lui qui écoute. Ule anasikia. Et met la parole de Dieu en pratique. Na anatumikia neno la Mungu. C'est pourquoi la Bible dit. Njoka Biblia nasema. Je crois que c'est 1 Jean chapitre 4. Yohana wa kwanza sura 4. Verset 4 comme ça. Musare aine. C'est lui qui est en nous. Ni ule ko ndani yetu. Est plus grand que celui qui est dans le monde. Eko mkubwa kuliko mwenye kwa mdunia. Et Jésus-Christ en nous. Na Yesu Kristo ndani mwetu. C'est l'espérance de la gloire. Ni tumaini ya utukufu. Amen. Amen. Examinez-vous. Mujichunguze. Pour voir. Jua kuona. Te manque une chose. Kama unakosewa kitu moja. Donc l'adoration. Ni kusema maabudu. Parfaite aujourd'hui. Kamilifu leo. C'est Jésus-Christ en nous. Ni Yesu Kristo ndani yetu. C'est Dieu en nous. Ni Mungu ndani yetu. Et Dieu en nous. Na Mungu ndani yetu. Ah, nous reflétons la nature divine. Tuko naonekanisha asili ya Mungu. Et la Bible dit, la Bible nasema, quand quelqu'un est né de nouveau, wakati mtu anazali kwa mara ya pili, il devient une nouvelle créature. Anakuwa kiumbe kipya. Les choses anciennes sont passées. Vitu ya zamani bishapita. Et toutes choses deviennent nouvelles. Na vitu vyote vinakuwa sasa vipya. Amen. Amen. Amen. Amen. C'est ça le christianisme. Dieu, bu Christu. Donc Dieu s'est divisant dans l'homme. Nikusema Mungu akagigawanya ndani ya mtu. Comme Dieu a divisé Adam au début. Paka vile Mungu aligawanya Adam kule kwa mwanzo. Aujourd'hui, leo hii, Dieu s'est divisé. Mungu anajigawanya. Et habite dans la stature de l'homme. Sasa anaishi ndani ya mwili ya mtu. Ah, c'est pourquoi Paul devait dire. Kwa mwanzo upate kuwa vile. C'est moi qui vis. Aina ndio anasema mimi naishi, Kristo anaishi ndani mwangu. Amen. Amen. Amen. Amen. Nous lisons encore les prophètes. La prédication. Maubiri. Les réalités infaillibles du Dieu vivant. Maukweli ispo kwanguka ya Mungu. Les réalités infaillibles du Dieu vivant. Maukweli ile haiwezi kuanguka ya Mungu mwenye kwa hai. Wapendwa. Dieu a des réalités infaillibles. Eko na Mungu na maukweli ile haiwezi kukotola, haiwezi si kuanguka. Dieu a des réalités. Kama Mungu ana maukweli yake. Les chrétiens doivent aussi avoir des réalités. Wa Kristo nao wanapaswa kuwa na maukweli yao. Amen. Amen. Il te manque une chose. Unakosewa kitu moja. Écoutez. Msikilize. Paragraphe 115. Nukta 115. Dieu aime toujours œuvrer à travers l'homme. Mungu anapenda kila mara kutumika kupitia mtu. Seul le programme de Dieu devrait à travers l'homme. Ni matengenezo ya Mungu kutumikia ndani ya mtu. Croyez-vous cela? Tunaamini vile. L'assemblée dit amen. Mkutano inasema amen. Moi aussi je dis un grand amen. Amen na moyo mnene ya mkubwa. Dieu a toujours œuvré dans l'homme. Mungu kila mara anatumikiaka ndani ya mtu. Il a fait de l'homme son aide sur la terre. Alifanya mtu apate kwa msaidizi wake pa dunia. Et il a fait de l'homme un dieu en dessous de lui. Na alifanya mtu kwa mtu mwenye kwa chini yake Mungu. Amen. Amen. C'est comme ça. Jovile. Donc le christianisme, ce n'est pas quelque chose d'hasard. Non, mais non, mes frères. Donc le christianisme, c'est une vie. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé ce message. Dieu savait ce temps. Que le diable, frère Branham a dit, le diable est allé en enfer. Il a ouvert tous les bouchons. Et il a lâché tous les démons. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui beaucoup de modèles, beaucoup de choses. Pourquoi? C'est la dernière ère. Ni ya le diable cherche à séduire les enfants Shetani de Dieu. Ya mais la Bible dit, Biblia nasema, ah, Jésus Christ, ya Yesu Christo, nous sommes plus que vainqueurs. Il a dit, alisema, comme j'ai vaincu, vile milishinda, vous vaincrez aussi. Na mutashinda vile vile. Amen. Amen. Amen. Amen. Nous ne combattons pas si, atukombana pana, pour avoir la victoire. Kupata ushindi. Nous ne combattons pas si, atukombane, pour avoir la victoire. Kupata ushindi. Non. Apana. Nous combattons si, dans la victoire. Dani ya ushindi. Amen. Examinez-vous pour voir si vous manquez une chose. Kama, que Dieu vous bénisse. Mungu, on va continuer demain par la grâce. Kesho, kwa nema ya Mungu.